Vous êtes assez fou. 89.1. Et voici maintenant Génie en liberté. Et bonjour à tous, vous écoutez Génie en liberté sur les ondes de C'est fou 89.1. Comme j'ai annoncé ce matin, c'est la dernière de Génie en liberté. Alors, on s'amuse. Yeah. À mes côtés, Stéphanie Rompré-Lanouette, bonjour. Bonjour. En forme, Sam? En forme, comme ça, se peut pas. Moi, je suis en forme de cœur ce matin. Je me ferais pas lancer de peau. Non, c'est sûr que non, pas à matin. Pas pour notre dernière émission. Oh, ça c'est fin. Non, mais écoute, Steph, tu as été là jusqu'au bout. Oui. Tu vas m'avoir enduré pendant tout ce temps-là. Ah, endurer, c'est pas le mot. De toute beauté. Je vais aussi saluer les deux autres qui sont en studio avec nous parce que évidemment on fait discussion de groupe un matin, il faut s'amuser. Alors je vais commencer par Alexandre Marchand qui anime Matière Noire le mardi soir avec qui j'ai la chance de co-animer. Salut! Bonjour! Il est pas trop tôt? Il est extrêmement trop tôt. D'ailleurs, c'est la première fois que je me retrouve sans le contrôle de la console, là, donc je suis un peu perdu, je suis comme à la merci de... Écoute, la première fois, t'as déjà co-animé avec moi quand que j'avais l'émission musicale, t'étais pas à la console et t'es déjà venu faire une chronique aussi dans Assemblage requis le matin. Oui, je sais, mais dans ton émission, là, dans celle-là. Là, dans... C'est parce que là, on est le matin. Eh oui, je le sais. Demande-moi-en pas trop. C'est pour ça qu'il est déboussolé. Et tant qu'à l'avoir entendu, on va présenter aussi James. Hey, bonjour tout le monde. James Timmons, donc t'as déjà animé 3 émissions. Oui. C'est quand même pas n'importe quoi, ça. Génie en liberté. Hein? C'est ça. Ah. En plus de faire tes merveilleuses chroniques qu'on a tant aimées. Notre docteur préféré. Oh! Notre docteur en liberté. Docteur en liberté. Où? Hey, ça va bien un matin. J'adore ça. Non, mais écoute, ça fait déjà 2 ans que l'émission dure. En fait, on a commencé en début janvier 2014. On est maintenant en décembre 2015. Ça vous donne une petite idée. Là, je ne sais pas si on va réussir à parler à Jean-Seb. C'est ça, c'est toujours le grand mystère. Est-ce qu'il va être disponible pour nous parler? Mais écoute, dans le fond, il a dit qu'il allait me texter quand ça allait y adonner. Fait que soit ça va être soit en début d'émission, peut-être qu'on va juste parler à 10h30, on verra bien. Donc ça va dépendre de ses disponibilités. Malheureusement, il pouvait pas se déplacer. Donc au moins, par exemple, il va essayer de nous appeler. C'est bizarre qu'on ait un docteur avec nous disponible, puis le gars qui est en finance, il l'est pas, comprends-tu? C'est un peu le contraire que... De ce qu'on pourrait penser. Exactement, hein, oui. Surtout en fin de session. Hein, c'est... Oui, hein, hein, c'est... oui. Survie ta fin de session, James. Oui, c'est correct, parfait. C'est ça l'essentiel. James, il jongle habilement avec toutes les responsabilités, les passions, les loisirs. Et... On n'a pas le choix. Je sais pas comment il vient. Et en fait, il dort pas. C'est son truc. Il dort pas. Quand Alex essaie de jongler, ça a plus l'air de. Il déboule les escaliers, même s'il n'y en a pas à proximité, puis il échappe tout. Ah, OK. Ouais, en général, j'essaye. Oh, wow, c'est gentil, mélanger les choses dans ma vie, c'est pas de bonnes choses qui arrivent. T'aurais dû faire l'école du cirque. Ils m'ont refusé. Pourtant, t'es tout qu'un numéro. Voilà. C'était mon... C'était comme un genre de comment dire, de cri aigu qui voulait dire à la fois un va chier, mais en même temps un genre comme moi, ouais, que je suis un peu d'accord. C'est un hybride, là. J'accoupe ça chez nous, des cris, puis des fois ça ressort comme ça. Ah, oh, c'est ça que tu fais à 4h du matin? Tu fais accoupler des cris? Non, à 4h du matin, je te texte pour te réveiller. Ouais, c'est parce ça. Parce que tes parents sont patients quand même. Comment? Le matin, j'accoupe des cris. Non, véritablement, ma chambre est insonorisée, donc je peux à coupler des cris en toute quiétude. Mais ouais. Là, texter Sam à 4h, 3h du matin? 4h30. Ouais, c'est pour ça. Te servir de lui comme bloc-notes? Ouais, exactement. Je suis vraiment un homme objet dans ce ouais, Sam, il ne s'en peut utiliser du tout. pas pire, la seule fois où c'est un homme objet, c'est avec des hommes. Oh, Steph, comment? D'ailleurs, on fait un appel à tous encore pour remédier à cette situation. je le fais souvent à Matière Noire, mais là, c'est comme, tu sais, c'est pas les mêmes auditeurs, tu sais, à matin ou à 9h le non, soir. Non, le matin et le soir, c'est pas les mêmes personnes. C'est bien, ça, on se passe le flambeau le matin. Oui, c'est ça. C'est moi qui le fais le soir, c'est Alex. Oui, fait qu'à m'emmener, on va y arriver. Donc, Sam, inquiète-toi pas, un jour, tu seras un objet pour... quelqu'un. Ouais, pour l'agent féminin, exact, c'est ça. À moins que ça soit pas tes plans, mais à ce cas-là, tu voudrais-tu nous dire, parce qu'on arrêterait de comme lancer la balle dans ce camp-là. Oh, okay. Tu le sais que je cherche une blonde. Ouais, ouais. Ben, une brune ou une rousse. Non, pas de... Sam, il a vraiment descendu tous ses standards, donc allez-y allègrement. Hey, vous vous en donnez un cœur joie matin. Mais je pensais que c'était comme un genre de bien cuit qu'on faisait genre, pour la fin de l'émission. Genre. Ben, en fait, vu que vous êtes toutes là et que j'ai pas fait de planning à rien, effectivement, vous avez le droit d'abuser des temps que je vous donne. On improvise ce matin. Ouais, on est trois contre toi. Là. Ouais. Ouais. Faudrait que t'aies des amis là, qui viennent de ton bar. Là. Ouais, c'est ça. Justement, son où. À moins que t'aies quelque chose à dire, si quelqu'un veut y passer un micro, peut-être qu'elle peut m'encourager un peu. Sinon, Tania, tu peux attendre à tantôt à prendre un micro. Est-ce que c'est pour juste être de leur bar? Elle fait juste un thumbs up. Fait que pour moi, je peux plus avancer. C'est de tout. Elle te supporte moralement. Ah, c'est ça, ok. Elle veut pas participer. En passant dans la lutte, les handicaps, 3 contre 1, c'est fait tout le temps des excellents combats. Ouais, wow, ok. Ah oui, puis quand tu mixes à ça, genre des escabeaux, des choses comme ça, c'est malade mental. Oui, tu connais ça? Non, moi je connais vraiment pas ça. J'ai vu des images sur Internet. Alex, il lit beaucoup sur Google. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, je sais pas, tu sais, entre 2-3 recherches de porn, à un moment donné, j'ai comme décidé de faire différent, d'aller chercher de la lutte. Hey, ça paraît que t'as l'habitude d'animer le soir, hein, mais ça me réveille. C'est hard, hein? Non, moi, je suis comme le soir. Je fais passer un peu de black metal, puis après ça, je suis comme genre, bon, les matantes sont plus là, là on va parler de totons, là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu hardcore l'émission. Est-ce que par hasard, j'aurais dû apporter mon avertissement comme j'ai déjà fait jouer dans l'émission? Ouais. J'adore ça. Avertissement, Alex se présente dans l'émission. Alex se présente pour un public mature et averti. Ah, oh, c'est de toute beauté, à ma tête. Le pire, c'est que le monde qui te connaisse pas, t'as l'air d'un chaton. Là. Oh. Non, mais c'en est un. Mais comme n'importe quel chaton, un moment donné, il peut griffer ou mordre. Ouais, c'est ça. En effet. Moi, mon chat, il est tout tranquille. Vous parlez de toton. Ouais, c'est ça. Moi, mon chat, il parle toujours de tits. J'arrive chez nous. Une vraie poussie. Ouais, c'est ça. Il est toujours en train. Et c'est pour ça qu'Alex a un chien. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça n'a pas de sens. Non. J'essaie de voir où est-ce qu'on s'en va matin avec ça. Je viens on a perdu le contrôle. Ouais, c'est ça. Ça ne fait que commencer. Non, mais écoute, Alex, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui fait, tu sais, pourquoi que malgré tous vos efforts, vous n'avez pas réussi à me matcher en ce 2 ans, en fait, je devrais dire plus 1 an, parce que c'est depuis 1 an que vous vous acharnez vraiment, là. Ouais. Mais, sérieusement, la réponse se trouve peut-être dans le fait que je suis peut-être Cupidon. Avoue que je crée des situations pour les autres, mais jamais pour moi. C'est peut-être ça. Oh! Puis à un moment donné, il faudrait. Mais là, faudrait que tu trouves une Cupidon. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Oh! C'est... Genre, j'ai déjà vu une couple de fois à l'université des filles qui se promenaient en couche. Non. Pendant les initiations. Ouais, ça, pendant les initiations. Ça doit être ça. C'est peut-être pas ça que je voulais dire. C'est peut-être ça, une initiation. Je suis déçu, pourquoi t'es pas en bédaine en matin de bord? On voulait te voir en couche. Ouais, okay. D'ailleurs, pour les demoiselles qui écoutent l'émission, Sam a quand même des abdos impressionnants. Donc, en tout cas, moi, tu sais, je lâche ça comme ça, tu sais, dans la nature. Fais-tu référence à la fois où une fille s'est foulée un doigt en me poquant? Ouais, c'est ça. Je fais référence à ça. Ça, c'est mâle. Ah oui, c'est mâle au bout. Ça, c'est vraiment mâle. Ah, ouais, ça. Mais c'est ça. C'était pas à l'avantage de la fille. Elle voulait juste me poquer, mais elle s'attendait pas à ça. Puis son doigt a comme viré de travers. Ouais, elle a eu mal un peu trop longtemps. Mais au nombre de kilomètres que t'as posté dans tes statuts Facebook cet été, j'espère que t'as des abdos. Ça date d'avant ça, mais c'est parce que le monde, ils pensent, sont comme genre, mon Dieu, Sam, pourquoi tu portes toujours un plastron en acier, mais finalement, et c'est pas ça, genre, c'est ça. Ça, c'est les exercices de karaté. Oui, c'est ça, c'est les exercices de karaté qui ont fait ça. Ouais, mais c'est parce que, faites attention, c'est parce que James aussi fait les mêmes cours de karaté que moi. Puis, ouais, ben. Fait que poke-moi pas, c'est ça. Exactement. Même pas sur Facebook. Je me suis déjà foulé le doigt virtuel, genre, en poking sur Facebook. En tout cas, c'est assez incroyable. J'ai bien aimé l'autre jour quand Facebook m'a fait une notification quoi, que j'avais reçu un poke. Mais quand j'ai écrit cette notification, c'était écrit il y a 8 mois. Ouais, c'est vrai que ça fait ça des fois. Merci Facebook, c'est bien que t'aies pensé à ça 8 mois en retard. Ouais, c'est ça, puis je est-ce que c'était qui t'a pas OK, Sam? Est-ce que c'était... Une fille? Ouais, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Non, c'était la blonde d'un de mes amis. Je pense que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis elle voulait comme faire « Hey, coucou Sam! » Puis vu que j'ignore les pokes Facebook, mais j'ai jamais répondu. Ah, voilà. Alors, chère demoiselle, si vous voulez aller poker Sam, ouais, c'est ça. En tout cas, vous va être content. Ouais, vous connaissez la légende ou le principe des pokes sur Facebook. Ah, oh, c'était comme. Je pense que si tu cherchais ça, un bout de l'article Wikipédia, c'était ça. Ça disait comme, genre, le fond, si jamais tu pokes un certain nombre de fois une personne, je pense que c'était, je sais pas, là, un chiffre, comme on va dire, 2000 fois une personne. Tu vas sauver ligne. Un enfant du cancer. Non, c'était comme dans le style, il y a comme un contrat non écrit entre vous deux que vous êtes comme. Ça vous donne le droit d'avoir une partie de jambes en l'air ensemble, en gros, là. C'était un genre ouais, c'était de. Ça. Ah, ben. C'était. Et après ça, quand j'ai lu ça sur Facebook, j'ai trouvé ça vraiment drôle de voir toutes mes amis gars qui arrêtaient pas de se poker éternellement pendant des veillées de temps. Ouais, mais il y a des guerres aussi de poker. Ouais, savoir lequel va ramasser le poke en dernier, là. Ouais, c'est ça. C'est comme avoir le dernier mot, mais version poke, là. Okay. Ouais, c'est ça. C'est comme les guerres d'émoticônes. Les guerres d'émoticônes. Les petits gifs, là. Ouais, exact. Hey, ça, ouais. C'est, ça, c'est incroyable. J'ai jamais participé à ça. Ah, ben en tout cas... Moi, je suis le chat sur Facebook. Tu sais, le chat, là, le gros chat, ah. Là, bien enrobé. Là. Ah, il y a une page Facebook. Le chat. Il fait des pâtés, ouais. Il est dans une boîte, ouais, c'est ça. C'est pas Plushy qui s'appelle. C'est pas Plushy qui s'appelle quelque chose Pushing, comme... ou quelque chose de genre. Ouais, en tout cas, ah, ce chat-là. Ok. Non, ça, c'est une BD qui s'appelle Le Chat. C'est un gros chat gris, mais qui a pas l'air d'un chat, qui a plus l'air d'un hippopotame, genre. Mais je te dirais que le chat Facebook fait de l'embonpoint pas mal. Oh, ouais, le chat Facebook fait de l'embonpoint. C'est là que ça me rassure pour mon chat. Ouais. C'est comme la version réelle de Pushin ou Pushy, là, je me rappelle. Ouais, ouais, vraiment. Non, il est vraiment. Moins pire que il ça. Énorme. Ouais, c'est vrai que Pushin est moins pire que le chat à ça. Oh non, non. Ça pourrait être une arme. Lance-moi pas le chat. Oui, le chat à Sam, c'est je sais pas, tu sais c'est une toute qu'une créature, créature mythique. Ouais, créature. En passant, il n'y a vraiment pas les abdos à Sam. Là. C'est tout le contraire. Son chat, non, il y en a. Son chat est inversement proportionnel. Il aurait dû faire du vélo avec Sam, d'ailleurs. Son... Ouais, ça aurait rajouté un petit peu d'air. Ouais, hey, vélo tandem. Ah ouais, le chat pédale. Ça pognerait avec les filles. Arrête. Ouais. Ouais, c'est ça, après 3-4 débarques. Ah, le beau minou. Sinon, moi, je suis prêt à prêter mon chien à Sam pour qu'il se promener avec pour faire croire que c'est le sien. C'est une bonne idée, ça. Je pense que ça attire la sympathie. En tout cas. Je te rappelle que mon chien, il est mort. Je sais. Mais tu vois, Sam, peut-être que si t'étais pas lourd puis que tu ramenais pas à toi 2 secondes à tout le monde que ton chien est mort, ben peut-être que t'aurais plus de filles dans ton entourage. Non, mais ça a un double sens, là. Son chien est mort. Ouais, c'est vrai, c'est une expression. James, c'est là-dessus que je voulais pas m'en aller. J'ai pensé après l'avoir dit. Non, James, il était... Ça y est, James, tu viens d'emprunter la sombre voix des jeux de mots douteux. De Sam. Ah non, Sam me contamine. Il n'y a plus de retour. Possible. The dark side of the force. Oh, wow. Et Steph est maintenant heureuse. Je suis maintenant heureuse avec ma bouteille de Darth Vader, mon chandail. J'ai de Darth Vader. J'ai remarqué ça, mais t'es incroyable. Et ton coton wetté de House of Cards. Ouais, ça, j'allais dire ton chandail. En passant, je suis pas intense dans la vie, pas du tout. J'ai le fond d'écran iPhone de House of Cards et le coton wetté de House of Cards qui, en passant, recommence le 4 mars. Je suis folle. Et là, moi, je t'avais de mourir par-dessus la pile de messages que Steph m'envoie pour pas arrêter de me dire de commencer cette série-là qu'on en jase enfin. Est-ce que genre, c'était comme une phrase séparée, hein, tu sais, House of Cards commence le 4 mars, point, je suis folle. Mais si t'avais jamais remarqué que j'étais folle dans la vie... Ben, tu sais, j'avais des doutes. Ben, tu sais, on est assez fous. Ouais, c'est vrai. Ça, t'as ta place. Félicitations. Merci. Sam, je te l'ai volé, celle-là. Tu vois, James, en check, quand je disais que c'était un point de non-retour, c'était ça que je voulais dire. On peut être fou à différents degrés. Hein. Il y en a qui parlent de toton à 9h38. Il y en a d'autres qui parlent des cotons wattés. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour avoir l'esprit mal nourri. Il n'y a pas d'heure pour avoir l'esprit mal nourri. Parlant de ça, ton étude va comment, là? Bon, mon étude Ah oui, mon étude, oui. Mon étude. Ouais. Est-ce que tu parles de celle que j'ai déclenchée dans une soirée Tim Hortons un moment donné? Exactement. Oui, c'est ça. OK. Oui, c'est ça. Fait qu'elle appelle à tous. C'est ça, l'étude, dans le fond, cherchait à savoir la préférence masculine entre seins et fesses. Oui, c'est ça. J'avais développé une théorie que c'était un ou l'autre. T'avais automatiquement une préférence dans la vie pour un ou l'autre. Un peu comme les parents avec leurs enfants. Ouais, c'est ça. Automatiquement un préféré, mais ils diront pas. Étonnamment, ben pas tant étonnamment que ça. En fait, les résultats du sondage se sont étalonnés sur des crimes. Ça fait des mois et des dizaines de personnes. On est encore ex aequo présentement. Donc, autant... Ex-aequo? Ouais, autant. J'aurais passé les boules, moi. T'aurais cru... Mais ça appartient en force pour les seins. Ah oui, c'était en mais force. Mais après ça, ça s'est redevenu. Mais est-ce que les fesses, c'est des grosses fesses ou des petites fesses? Ben là, on n'a pas... En fait, quand on lance cette question-là, ça en suit toujours des débats assez impressionnants sur quel type de sein, quel type de fesse. Alors que la question, c'est juste de base, est-ce qu'un gars a plus son attention à tirer en premier lieu vers les seins ou vers les fesses? C'est juste ça. Sauf que les gars qui sont des gars de seins habituellement vont tous aimer les gros seins, tandis que les fesses, pas ça dépend. Pas nécessairement. Les gars qui trippent sur les seins vont aimer des petits seins qui paraissent pas. Ben, pas qu'il y en a, paraissent. Ben non, ouais, c'est ça, mais il y en a que oui. On s'entend qu'il y a quand même une marge entre du B et du F, là. Tu sais, je veux dire. Non, le consensus, c'est pas important qu'il soit gros. Ce qui est important, c'est qu'il soit beau. Tu sais, c'est qu'il y ait une belle forme. Tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, comme. T'as pas besoin d'avoir comme des melons, là. C'était pas ça le consensus, là. Mais en même temps, le monde, ce qu'il disait, c'est que pour les fesses, ce qu'il disait, c'est que les fesses, ça mentait moins. C'est comme plus difficile de camoufler ou de... Vrai. C'est, oui. C'est comme... C'est tu vrai, comprends? Oui, parce que maintenant, je veux dire, on va se magasiner une brassière puis il y a possibilité de gagner au moins 3 bonnets. Facilement. voyez-vous, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Non, mais en cas... Donc, je maintiens mon point. C'est-à-dire? Parce que là, si on veut trouver une fille, là, faut qu'elle sache la préférence. Il faut qu'elle sache. J'imagine toutes les filles à l'écoute nerveuses qui sont comme, ben là, je sais pas, j'espère que Sam, c'est un gars à bouche. J'espère qu'ils rentrent dans la catégorie. Les gens dans leur auto à matin qui écoutent, là, c'est sûr que sont tous là. Puis, oh mon Dieu, c'est quoi sa préférence? Ouais, ça. Ou les gens qui viennent d'arriver qui sont comme juste comme de what the. Qu'est-ce qui se passe à la radio à matin? Genre. Surtout s'ils l'ont pogné juste à ce moment-là. Oui, c'est ça. Les gens qui écoutent régulièrement exactement, et qui là, ils arrivent à matin comme. On va s'informer ce matin. Ouais, ça. C'est ça, comme genre, on parlait pas de politique à un moment. C'est très éducatif. Il n'y en aura pas de facile, comme on dit. Hein? Non, vous savez que depuis tantôt, je tiens comme le top 20 franco puis anglo, comme si c'était une feuille de notes que j'avais. Genre, comme on si tellement comme je suis un animateur sérieux. Mais finalement, non, c'est ça, c'est vraiment rien. C'est un support moral. Ouais, c'est un support pour avoir l'impression que je regarde des stats ou des notes. T'es habitué avec ton émission d'avoir toute ta feuille de chansons. Ah oui, cette feuille de chansons qui est inexistante. Mais tu tiens, en fait, tu tiens la feuille des chansons que tu as déjà jouées. Oui, c'est ça. Pour être sûr de ne pas faire jouer deux fois la même affaire. Ah, wow! Mais non. Je pense que pour monter mon bloc de 20 minutes, je mets plus de temps qu'Alex pour monter son émission de 2 heures. Ouais, mais non. Mais... Alex, t'es un gars du moment. Ouais, je suis un gars d'intuition. Je suis un gars spontané. Un gars d'impro. Ouais, un gars d'impro. D'ailleurs, vous pouvez me voir tous les lundis soirs. Vrai, t'as le droit de te plugger. Ah oui, j'ai le droit de te plugger. Hey, malade, venant à Chasse-Galerie, je suis vraiment drôle des fois. Des fois. Dude! T'as le gars qui a pratiquement une étoile par match. Ouais, je sais, mais c'est par pitié. Genre, on a eu comme un contrat non écrit au début de l'année. Genre, quand, cette année, il va falloir donner confiance à Alex. C'est comme, tu sais, il faisait dur, là. Fait que, on va lui donner un petit boost là, de morale, là. Puis, mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est que mes parents sont venus à l'impro la semaine passée, tu sais. Puis mon père, tu sais, que ça faisait vraiment longtemps qu'il était supposé venir, puis qu'il pouvait pas à chaque fois parce qu'il travaillait. Puis là, il est venu, puis il était, tu sais, vraiment trop fier d'un sens. C'était quand même étrange. Ma mère, elle m'avait déjà vu à l'impro, puis elle était comme, ah, tu sais, c'est cool. C'est drôle. C'était drôle. Puis mon père était comme, genre, ah, Alex, tu devrais être comédien! Puis là, t'es comme, viens prendre une photo avec moi. Je trouvais ça vraiment non, drôle. Je trouvais ça beau, moi, la fierté d'un père qui venait voir son gars exceller dans quelque chose. Ah oui, j'ai trouvé ça quand même drôle. C'était cute. J'étais assis une rangée en arrière de son père. C'était quand même spécial. Là. Je voyais la fierté dans ses yeux. J'ai pas été trop vulgaire, là, cette soirée-là. Je pense que le plus loin que j'ai été, c'était genre faire un prêtre qui se masturbe. Là. Tu sais, c'est tout. Là. Genre, on n'a pas dépassé aucune limite là, cette journée-là à l'impro. Donc, ouais. C'est pas si pire. Non, c'est ça. Quand même du bon fait sens. Fait que venez voir l'impro, c'est le fun. Ouais. Ouais. Là, Steph, Alex disait que c'était un gars spontané. Oui. Mais spontanément, on dirait que c'est difficile de dire à une fille, veux-tu venir prendre un café? Comment ça? Écoute, c'est vraiment une contradiction totale. Ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Ah, on m'a promis des conseils, d'ailleurs. Non, c'est pas ça, l'histoire. Non, j'apporte ça vraiment random à ma chambre. C'est une petite vengeance, dans le fond. Oui, c'est vrai. C'est une petite vengeance de la part à ça. Je le sens, là. Exactement. Tension. C'est hier qu'on a dit la niaiserie. Puis je dis, moi, puis Steph, on va te donner des trucs. Mais finalement, je le fais vraiment en onde. Je pense que. Ouais. Moi, je te conseille de commencer par un poke Facebook en faisant attention de ne pas te fouler le doigt. Ouais, c'est ça. On va y aller. Ouais, c'est bon, ça. J'apprécie la technique. En même temps, Sam, tu sais, si tu as des conseils à donner, je suis en train de me demander pourquoi t'es pas. Tu sais, comme ton ratio de matin passé à être comme. En train de boire un café avec quelqu'un me semble comme assez faible. Non, mais tu sais, c'est Cupidon, là. Ouais, oui, c'est vrai. Il donne des conseils au monde. J'ai oublié le statut de base. Non, mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je pose la question à la fille si elle veut aller prendre un café, alors que toi, tu poses pas la question. Par contre, là, on est encore au même pied d'égalité, c'est que moi, je vais faire répondre non à tous les coups, alors que toi, t'as jamais de réponse parce que tu le demandes pas. c'est comme le chat de Schrödinger, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Il y a une boîte dans laquelle il y a la réponse à la question. Et je n'ose pas ouvrir la boîte parce qu'au moment où j'ouvre la boîte, ça va être un état déterminé à la place d'être l'incertitude. Donc dans laquelle là, ça peut être à la fois oui et à la fois non. Il y a 50% des chances que ça soit oui et non. Et Sam, c'est 100% des chances que ça soit non. Je te trouve quand même optimiste que ça soit 50-50. Tu sais, t'as pas nécessairement pris en compte tous les facteurs. Tu sais, je veux dire, oui, la réponse, ça peut être oui ou non. Mais les probabilités que ça soit un ou l'autre sont pas nécessairement splittées comme la quantité de choix qu'on a. Steph a pas l'air d'accord. Moi, je pense que c'est pas réaliste. Tu te fais dire oui, mais l'affaire, c'est que t'es emprisonné dans la friend zone. C'est ça ton problème. Ouais, c'est ça. On cherche d'ailleurs la clé. Désolé, Sam, on l'a vraiment perdu. Il est peut-être à l'intérieur de l'estomac de ton chat. C'est ça. Le chat à Sam qui a mangé la clé de et la tous les rêves à Sam. C'est pour ça qu'il est devenu gros comme ça. Il a mangé tous ses espoirs. Sam, il y avait beaucoup d'espoir. Quand tu te demandais pourquoi Sam, ton chat venait dormir couché sur toi, là, pendant ce temps-là, il se nourrissait genre de tes espoirs et tes rêves. La crème glacée qu'il avait mangée la veille. Mais quel non-sens ce matin! Qu'est-ce qui se passe? C'est parfait. Ouais, je pense que c'est une question d'attitude, Sam. Dans le fond, tu pars avec l'optique comme « Bon, ben, cette fille-là, ben, je vais aller en faire mon ami. » Puis là, c'est là que ça marche pas, je pense. J'aime ça que j'ai parlé, on a commencé à parler du cas à Alex pour l'aider. Finalement, c'est devenu un acharnement sur mon cas. Comme toujours. Ça ressemble à ça un petit peu, je dirais, oui. Hein? Non, mais c'est vrai, tu cherches tout le temps à engager la conversation, parler d'opinion, puis dans le fond, on sait ce qui marche avec les filles, c'est « Hey, bébé, viens chez nous, moi, je m'en sac de ce que tu dis. » Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Et tu savais à quel point je pratique souvent ce ton-là à la maison, là. Parce que ça me faut pas utiliser la même voix quand tu dis ça, là. Tu te dirais pas comme genre, hey, bébé. Comme Batman, tu sais. Non, c'est, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu vois là, plus comme genre, hey, bébé. Ça ressemble plus à un, hey, bébé. Ouais, tu es-tu à la maison, ouais. Pas genre à radio. Bienvenue à C'est fou, à Génie en liberté. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous venir prendre un café avec moi cet après-midi? Ouais, c'est ça. Tu fais, non, mais Sam, tu vois, tu fasses comme genre, ouais, bébé, viens à la maison, je vais te montrer ça, j'ai des opinions en crime. Puis là, genre, c'est comme, non, tu sais, faut pas. Va te montrer ma collection de cassettes. Ouais. J'ai pas Netflix, fait que on va regarder des vidéos cassettes. Fait que je sais pas, tu sais. Super Nintendo and chill. Hey, oui, hey, j'ai tous les jeux. Ouais, ouais. Hey, ouais. Ça peut fonctionner, là. Ouais, moi, j'aimerais ça. Genre, on devrait faire un meme juste pour ça que tu vas pouvoir utiliser à répétition avec n'importe quelle fille. Ouais, genre. M64 and chill. Ouais, c'est ça. Ben, ça me nous a invité. En tout cas, moi, je suis allé jouer à Mario Tennis une couple de fois chez lui. Puis inutile de vous dire que ça s'est vite transformé en Mario Tennis à la place de Mario Tennis. C'est quand. Ça, on joue une coupe de game, Sam se retourne, on est tout nu sur le divan. Là, il est comme, voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? Belle raquette. C'est ça. On est juste comme, ben, je sais pas, moi, ça. Sachez que là, on vient d'écrire un scénario fictif. Ouais, c'est pas ça. Réellement ça... arrivé. C'est que, tu sais, à quelque part. Les filles aiment ça, les gars ouverts, hein, t'es. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais pas littéralement, Sam. Tu sais, comme, tu sais, ouvre-toi pas, tu sais, comme. Avec un exacto, mettons, tu sais, genre ça. Merci de spécifier. N'aime pas ce type d'ouverture-là. Sinon, appelle James. Ouais, c'est ça. On va t'arranger ça en si salle d'op. Si tu trouves à ce moment-là, James, il va venir te recoudre. J'ai des bons contacts. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, sauf ça avec les filles, justement. Là. Ça, c'est... Oh! Si on parle de contact physique, mettons. Wow! Hey, je sais pas pourquoi on vient de faire 25 minutes de dérap vraiment incroyable. Sam, tu m'as invité à l'émission. Tu assumes les conséquences. C'est vrai. Puis j'ai essayé un peu de dire ça vers ton cas, puis t'as tellement habilement reviré ça sur mon cas, c'est incroyable. Je fais de l'impro, tu sais, Sam, on est habitué à faire ça. Ben oui, désolé, hein. Comme si j'aurais du tout pensé à ces petits détails-là aujourd'hui, ouais, c'est hein. Ça. Que, ben, il aurait fallu, t'es animateur. Je te fais confiance, moi. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça allait revirer sur ton statut social. C'était sûr. Ouais, c'était sûr. C'est sûr, sûr. On va prendre un break des commentaires d'Alex parce que je veux qu'on commence le quiz dans pas long. Et Steph, exceptionnellement, j'avais dit qu'on allait un peu déconnecter de l'actualité. Oui. Mais il y a tellement trois sujets qui sont venus à mon attention que j'ai pas le choix qu'on en parle. Fait que on va y aller avec ça. J'espère que si le célibat fait partie des trois sujets, tu vas l'enlever parce qu'on en a allègrement parlé en début d'émission. Hein? Non, inquiète-toi pas. Okay, donc là, c'est juste entre toi et moi pour la suite des choses. Parfait. Premièrement, parce que je vais éliminer un des trois sujets. Évidemment, on n'en a pas parlé à l'émission, mais disons que depuis en fin de semaine, tous les sujets sont à la mode de Cédric a pas branché. Oui. On regarde un peu comment que l'enquête progresse. Le seul message que je veux faire, c'est qu'au moins on offre nos sympathies à la famille qui vivent le deuil à leur façon. Donc, je ne veux pas commencer à spéculer sur comment ils doivent faire les choses. Tout ça, regarde, c'est leurs affaires. On les laisse s'arranger avec ça. Dans un sens, j'ai été content d'avoir un dénouement. Je mets vraiment en guillemets de la découverte parce que là, ça fait progresser l'enquête et je souhaite de tout cœur qu'on trouve qui a fait ça. Oui, moi aussi. Puis ça, je pense que le contexte serait bon. On a eu quand même une bonne justice au niveau de Guy Turcotte. Ça serait bien qu'on redore la parure de la justice québécoise. En tout cas, moi, j'ai espoir. J'aimerais ça que ça se fasse vite pour que, justement, on puisse au moins avoir quelque chose de positif cette année par rapport à la justice. Ben oui, ça ferait juste du bien. En tout cas, je pense que Trois-Rivières en entier serait content d'un dénouement à cette affaire-là. Oui. Donc, je ne m'éterniserai pas là-dessus. C'est juste au moins un message que je voulais faire. Prochain sujet. Est-ce que tu as vu la saga Piqué-Souban? Non. J'ai vu ça passer, mais j'aime pas le hockey. J'aime pas le sport. Non, c'est parce que ça n'a même pas rapport au hockey. Ça a rapport... C'est la façon dont on prononce son nom. C'est ça. On a parlé à plusieurs reprises dans l'émission des fiascos de l'Office protectrice de la langue française. Donc, les espèces de fonctionnaires payés absolument à rien faire qui ont besoin absolument de trouver des causes incroyables pour garder leur job. Eh bien là, ils ont fait une demande aux médias québécois de ne plus dire Piqué-Souban, mais plutôt Péka-Souban. Ridicule. C'est vrai. Écoute, c'est pathétique. Et là, l'histoire a fait le tour de l'Amérique du Nord. Sur les réseaux anglais, on parle de cette histoire-là. Ils ont dit les Québécois veulent changer la prononciation du nom Piqué-Souban. Je tiens juste à rappeler qu'il n'y a pas de mauvaise façon de dire un nom. Exactement. Premièrement. Et deuxièmement... On a de l'argent à mettre là-dedans. On a des fonctionnaires à payer pour trouver des conneries comme ça. Mais c'est ridicule. Le monde est habitué. Hein. Ça n'a pas rapport. On choisit jamais bon combat. C'est vraiment décevant. Jamais. Donc, pendant qu'il y a des dizaines de milliers de dollars qui s'en vont là-dedans, eh ben pendant ce temps-là, on trouve des difficultés en santé et en éducation. Exactement. Yihi! Hein, j'aime ça. On a les priorités aux bonnes places. Oui. C'est de toute beauté. Dernier point que je voulais amener. Est-ce que tu as vu qu'est-ce qui est sorti sur Revenu Québec? Hey, non plus. À okay. Matin, ça va pas bon. Non, mais c'est correct. Regarde, écoute, je t'avais pas prévenu. Moi, c'est des affaires que j'ai pognées sur le fly comme ça. Donc, Revenu Québec, donc ils ont réussi à capter quelqu'un en train de dire qu'ils ont des bonus s'ils réussissent à pogner tant de personnes. Et là, on voit une personne arriver dans une petite PME, puis « Oh là, je serais capable de pogner ça, puis tout, puis là, c'est avec ça, j'aurais assez pour avoir mon bonus, puis t'entends des choses comme ça. » Mais ça, c'était déjà sous-entendu. Maintenant, on a la preuve audio que ça se fait. On a quelqu'un qui le dit clairement et ça a été enregistré. C'est dégueulasse. C'est très dégueulasse. Il y a tellement de places où on pourrait couper au lieu justement de donner des bonus quand on essaie d'attraper le monde. Puis je suis pas mal sûre qu'il y a des gens que c'est pas si flagrant que ça. Puis, crime, on paye tellement d'impôts, on donne tellement à la société. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage d'entendre des choses comme ça puis que ça soit confirmé. Ben c'est ça. Donc, c'est tout le temps, c'est des gens qui vont essayer d'aller chercher plus d'argent. Essayer d'écœurer le monde avec des super beaux règlements qui se sont tous arrangés entre eux autres, puis que c'est compliqué pour les gens de suivre, puis là, après ça, on essaie de les ramasser, puis eux, s'ils pognent assez de monde, ben... Il y a un bonus. Ce qui est tellement stupide, là, c'est que ces gens-là ont un bonus, mais Hydro-Québec, le gars qui a vendu le stock à un prix dérisoire, ben lui, il a pas eu de bonus, hein. Il n'y a même pas eu de conséquences. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de conséquences, puis il n'y a personne qui a offert un bonus pour vendre le matériel plus cher. Je trouve ça complètement idiot, tu sais. C'est complètement idiot. Donc bref, c'est trois choses que je voulais juste aborder rapidement ce matin. Donc c'était pas prévu, mais je me suis dit, sinon on va en parler quand? Ben là, si on finit aujourd'hui, on n'en parlera pas. C'est ça. Donc je me suis dit, non, je vais au moins placer ces trois petits sujets-là très rapidement. Je me suis dit, ça ne monopolisera pas trop l'émission. Puis en même temps, ça va nous permettre de passer des sujets d'actualité comme on aime le faire. Et sur ça, on fait une courte pause et au retour, c'est le Giga Quiz Génie en liberté. Vous êtes assez fait. 89. Vous écoutez Génie en liberté. Là, je suis content parce qu'il y a la CAQ qui a déposé une motion pour que les députés, eux aussi, cotisent à 50%. On peut pas avoir des fonds de retraite gourmés comme ça. Dans le privé, ils en ont pas. Dans le public, on devrait pas en avoir. Sur les ondes de CIFOU 89.1. Alors, vous êtes accompagné de moi-même, Samuel Girard, ma collègue Stéphanie Rompré-Lanouette. À ça, s'est ajouté Alex et James. Allô? Hey, ça, c'était beau. Et maintenant, on ajoute deux autres personnes, parce que c'est la folie furieuse à matin. Hello! Donc, Tania et Mathieu. Ça, vous êtes loin un peu du micro. Ouais, on s'est retrouvés, nous aussi. On va partager. On n'a jamais été aussi proches, Tania et moi. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il fallait qu'on soit corrige, genre chanter tout le long. Penchez moi, James. Penchez comme ça, surtout. C'est pas nécessaire de chanter. Donc, Steph, oui. Oublie pas, je t'ai confié les feuilles des questions. Oui. Ton objectif, c'est de ne pas les montrer oui. à nos quatre candidats. Donc, je sais pas pourquoi, mais les pubs sont extrêmement courtes ce matin, donc j'ai même pas eu le temps de préparer quoi que ce soit pour, pour le quiz. Donc, je te chante une chanson pour faire une pause musicale? Ah oui! T'es gay? Non! Ça semblait bien aussi. Oh! Tune de Noël ce matin. Ouais, j'ai aussi à m'excuser. Hey, je sais qu'est-ce qu'on va faire en attendant. Quoi? Pose ta question, Alex. Hein? Ton sondage. Quelle question? Ah oui! Ah ben là, à qui là, je pose ça? À Mathieu? Ok. Ok, Mathieu, mettons toi dans la vie là. Ouais. Est-ce que t'es plus sain ou fesse et saint. Pourquoi? Sain. Okay. Pourquoi? Parce que sain. Ouais, hein? Ben, je pense que c'est souvent ça la raison. Non, mais fait longtemps qu'on dit que c'est sain d'esprit, ça. Oh! est-ce que toi, c'est dans l'optique, est-ce qu'il y a une taille minimale requise? Est-ce que t'as un range de taille ou est-ce que c'est la forme qui est importante? J'ai un range de taille, mais on parle littéralement de la taille. Non, contre ça, je suis pas très capricieux. C'est pas très difficile, hein, ouais. Non, c'est ça. Ben, je comprends ça. On attend que ce soit en forme de sein. Mais si t'es un gars de sein, t'aimes quand même les petits seins? Oui. Ouais, c'est bizarre, c'est, hein, ça, quand même. C'est ça. Ah bon, c'est ça. Ouais, non, les petits seins, ça m'attire aussi. Puis, tu sais, les gros seins, bon, sûr qu'à outrance, à un moment donné, ça, faut pas ambitionner. C'est ça, exactement. Mais si c'est naturel, c'est correct. J'aime le naturel chez. C'est ça, ouais, c'est le naturel. Ça, c'est un détail qui ressortait vraiment souvent. Hein. Le naturel était très important. Merci beaucoup. Ah. Et ouais, comme j'allais dire, juste avant que tu me poses la question, je veux m'excuser à Stéphanie parce que vu que je suis penché au micro, elle a comme mes fesses d'en face. Puis ça me fait rire. Je peux pas la regarder en train de regarder. C'est un peu bizarre. Drôlement placé. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Fait qu'on rajoute ça. Fait que tu viens de faire pencher la balance un peu en faveur. C'est rendu 50. Ouais, c'est ça, parce que c'était 50-50 pas mal. Là, et c'est sauce brune et crémeuse placée de chou. Ah, OK, c'est bon. Là, la question, c'est est-ce que Tania veut répondre à la question? Ah! Non, c'est beau, je vais me passer de tout commentaire. C'est bon. Faut que ses fesses soient poilues, j'imagine, comme la barbe. Oh. Ouais, ça doit être ça. Non, vraiment pas. Est-ce que t'es une fille de pénis ou de pénis? Ouais, c'est ça. Parce que t'as le choix en... Pénis ou quoi? Pénis ou pénis? Tennis? Genre l'espace? Ouais, non, non. Est-ce que t'es une fille, ouais, ça, est-ce que t'aimes mieux le... Parce qu'il n'y a pas de choix chez un gars. Tennis ou badminton? Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de choix chez un gars. Pénis ou pénis? Chez les gars. C'est barbe ou pas de barbe? Ben, t'as un pénis ou scrotum? Ouais, c'est ça. Un dur choix. Oh! Dur ou balotage. Oh, on s'en va au balotage. ça dérape. Hein? Est-ce que, non, non, mais chez les gars, on préfère, est-ce que t'aimes mieux les gars, je sais pas moi, les gars riches ou les gars pauvres? Les abdos ou les bras? Mettons au milieu, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est OK. Ouais, on préfère, genre, mettons, musclé, pas musclé. Ouais, c'est ça. C'est pour les gars. Genre ouais. Bad bod ou musclé? Ouais, c'est ça. Bad boy ou gentil garçon? Ou... C'est tough, c'est tough. Je pense que ça dépend tout de la personne. Ouais. Tu vois comment les filles pensent versus comment les gars pensent là-dessus? Ouais, mais là, il y a une belle personnalité. Ouais, c'est ça. Quoi? Quoi? Il est bad boy ou une belle personnalité? Décidé. Ça peut être les deux. Il peut être bad boy et avoir une belle personnalité. J'en connais beaucoup. Non. De ta Mathieu, perspective. Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire. Je ne pense pas. Pense que pas tu peux être bad boy en fait, ils te font croire qu'il y a une belle personnalité, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Ça. Ils vont entretenir cette illusion le plus longtemps des possible. Des vendeurs de rêves. Ouais, exact. C'est ça. Exactement. Et ne tombez pas dans le panneau, mademoiselle. Non. Je vois ton petit regard rempli de haine, Steve. Comme, des vendeurs de rêves. Ah, merci d'écrire mon émotion à la radio ce matin. Oh. Là, il y a aucun de vous deux qui peut avoir au moins une paire d'écouteurs. Hein? Oui. Oui, on a ce stock. Ouais, en fait, il reste une chaise, fait que Tania aurait pu s'asseoir sur mes cuisses, mais... Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez aussi une place pour brancher les écouteurs? Ouais. Ça semble fantastique, ça. Non, mais... C'est fait, là. OK, c'est bon. T'as pris la paire d'écouteurs avec le plus petit fil ever. C'est pas de ma faute. Là, c'est vrai que Tania va être penchée pendant 20 minutes. Ouais. Oh, toi, Mathieu, t'es pas capable d'avoir... N'as pas commentaire. Tu branches des écouteurs, hein? Alors, Mathieu se positionne à l'arrière. Non, c'est pas vrai. On va partager ma part qui a des plus longs fils. Un plus long fil. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est juste parce que j'ai quand même amené une petite chanson thème pour le quiz. Fait que ça serait un minimum... plaisant si vous pouviez entendre. Ouais, ça fait longtemps, Mathieu, que quelqu'un m'avait dit on va partager ma paire, genre. Ça. Vraiment longtemps. Ah, oh, c'est. Je suis prêt. OK. C'est bon. OK, on part ça. Avoue que c'est sympathique. Eh oui. Ouais, vraiment, je veux cette musique-là. Donc, c'est Alex et James contre Mathieu et Tania, le quiz Génial Liberté. Et dans le fond, pour faire une histoire courte, on va poser des questions. Steph, je te fais signe quand je vais vouloir que tu utilises une des questions. OK, je te vois pas beaucoup, hein, fait que fais-en un grand. Oui, oui, ça va vraiment être apparent. Parfait. Là, ou je vais dire Steph, vas-y. Bon, parfait. Donc, c'est ça. Pour vous expliquer le principe, vous avez quatre choix de réponse. Vous allez répondre en premier à tour de rôle. On va commencer en premier avec... Alex et James, on n'a pas une réponse. On n'a pas de bouton, là. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça va être à tour de rôle. Puis évidemment, j'attends vos deux réponses et après ça, je vous dis qui l'a eu. Vous pouvez avoir les deux la bonne réponse, vous pouvez avoir les deux la mauvaise réponse. OK? Et je vais juste me prendre. J'op pour la deuxième option. Y a-tu un stylo qui traîne dans le coin? En haut des CD. Oui, oui, merci. Je viens de les voir. J'étais pas assez grand. Ouais, parce que je suis très compétitif, donc je veux un comptage du score, s'il te plaît. Ben, c'est pour ça, j'ai dit au moins faire un compte des points. Hein? Et? Donc, là, Mathieu, il s'est sauvé? Non, je pense qu'il est parti chercher quelque chose. OK, j'espère que ça va être rapide. J'espère. Oui, il est revenu. OK, c'est bon. Pour... On est allé chercher un autre micro. C'est bon, OK. Donc... Est-ce que ça marche? Ça marche. Oui, ça marche. Génial, j'ai un micro moi-même. Génial. Mathieu, on est prêt. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Et ça me permet de mettre un son adéquat pour Tania et baisser ton son pour toi vu que tu parles plus fort. Merci beaucoup. C'est un talent que j'ai. Effectivement. Donc, pour vous expliquer le principe, on y allait qu'une question facile. La question numéro 1, quelle est l'orientation politique de l'animateur? A, extrême gauche, B, centre gauche, C, centre droit ou D, extrême droit? L'équipe Alex et James. Comme Sam, il est crissement extrémiste. par connaissance de Sam, je vais avec. Ben, en théorie, ça serait, la bonne réponse, c'est clairement centre droite. Ouais. Mais j'irai avec extrême droite pour le plaisir. Ça, on veut savoir, c'est qu'est-ce que Sam pense lui-même qu'il est ou est-ce que, ou ce que les autres disent de lui? T'sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec extrême droite. Okay. C'est Steph qui tranchera. Ouais. Mathieu et Tania. Moi, je pense que comme c'est lui qui a écrit son propre quiz, ouais. Est-ce qu'on dit centre-droite? Ouais, centre-droite. D'accord. Définitivement. Ding, ding, ding. Centre-droite. Alors, pour Alex et James. Oh. Yeah, je vais juste entendre le son. Pour Mathieu et Tania. Oh, yeah. Mais par opinion populaire, extrême droite. Voilà. On s'entend. Franchement. Oh, écœurez-moi pas, là. C'est pas correct. J'ai mis du temps pour bâtir ce quiz-là. C'est l'animateur, un peu de respect. Ouais, c'est on ça. Va mettre tout autant de temps pour le défaire. Ça m'inquiète pas. Comme ton estime. Ouais, oh. Oh. En passant, s'il y a des gens à l'écoute qui veulent participer au quiz, vous pouvez écrire vos réponses sur la page Extrême droite. Et les gens qui me connaissent, vous avez aussi le droit de m'écrire sur Facebook, me donner vos réponses. On va starter une page. Textez Sam aussi à 3h du matin. Que Sam avoue qu'il est d'extrême droite. Une pétition sur change.org. C'est ça. Donc, prochaine question. Là, on va augmenter le degré de difficulté un petit peu. Donc, combien d'extraits y a-t-il sur la page Facebook de Génie en liberté? A, 300, B, 370, C, 250 ou D, 390? Mathieu et Tania en premier. J'irai avec le 390? C'est sûrement pas un chiffre rond. Là. Ouais. 390, ça a l'air d'un chiffre que tu peux pas inventer. C'est ça. C'est ça. Ouais, 390, j'aime ça. Ouais. Parfait. Okay. Donc, l'équipe Alex et James. Ben, selon peux-tu répéter les choix de réponse, Sam? A, 300, B, 370, C, 250 ou D, 390? OK, ben, dans le fond, d'habitude, dans les choix de réponse comme ça, quand il y a deux réponses sont relativement proches, mais comme séparées par pas beaucoup, il y a des bonnes chances que ça soit entre les deux, mais qu'on diminue, ça fait que ça sera entre 390, 370, puis juste pour faire différent de Mathieu, on va y aller avec 370, je pense. James, c'est tout d'accord avec le raisonnement. OK, c'est bon. Comment faire une formule mathématique tout en parlant? Ben, c'est un physicien, un médecin. Là, il y aurait aussi les probabilités selon les A, B, C, D. Là. Oui, c'est les vrai choix de réponse, ouais, genre plus C. Malheureusement, moi, je fonctionne vraiment de même. J'essaie d'équilibrer pour pas avoir de trucs qui reviennent trop souvent. D, c'est souvent une joke. Oui, c'est vrai. Fait que finalement, nous, on est une joke. D, ça aurait été trop. Alors, pour Mathieu et Tania... Pour Alex et James. Hey! Alors, c'est 370 extraits pile qu'il y a actuellement sur la page Facebook. Sans compter aujourd'hui. Ouais, sans compter aujourd'hui. Avec les extraits d'aujourd'hui, si on les coupe en 2 minutes chaque, je suis sûr qu'on va attendre le 390 bientôt. Oui, ouais, ça fonctionnerait, mais ils sont pas encore en ligne. Un demi-point pour l'effort. C'est ça. Steph, vas-y pour la prochaine. Combien de chroniques Steph a-t-elle fait avant de devenir animatrice de l'émission? Oh! Okay. Attends. Okay. A, 7, B, 8, C, 10, D, 4. Alors, c'est Alex et James en premier. Ben, tu vois qu'on irait avec 10, moi, je dirais. 10, tu trouves ça beaucoup? Moi, je trouve qu'on tourne assez encore. Ah, okay. En même temps, je suis pas quelqu'un de super superstitieux, mais lucky number 7. Fait que, okay. C'est quoi déjà le choix de A? 7. Hein, ça sonne. C'est 7, 8, 10 ou 4. Parce que 10, je sais pas, tu sais. Oh. Ça fait beaucoup. J'ai dit qu'elle a tellement de charme que c'est assez 4. Hein. Ouais, 4, c'est l'équivalent d'un mois si on calcule. Un mois. C'est combien? Mais je suis 4. D'émissions? Hein? 4. Donc vous dites 4. Ouais. Alors, pour Alex et James. Ah! Pour Mathieu et Tania. Zut. misère. T'es pas si charmante que ça, on pense à mon instinct, James. Ça y a plus de temps. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Fois avant de m'accepter. Si c'est aussi difficile avec les filles, on s'entend que c'est normal du souci de bâtard. Ah, c'est bien dit. C'est quoi, ça a pris 7 dates avant que je t'accepte? Ouais, ça me baisse tes standards. C'est parce qu'il essayait de voir si elle était d'extrême droite. Ça va me suivre tout le quiz, là, ça. La prochaine question, on commence avec Mathieu et Tania. Qui est l'invité le plus à droite que nous avons eu dans l'émission? Oh boy! A. Andrew Damo, qui était candidat à la CAQ. B. Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur. C. Éric Duhem. Ou D. Jean-Denis Girard, le député actuel libéral de Trois-Rivières. Et le gars qui était jaune-orange, là, ça, c'est Éric Duhem? Non, même pas, non. Ça, c'était le gars du... c'était le candidat aux élections récentes, là, qui a participé au débat. C'était pas lui. Il est même pas sur la liste. Non, c'est Dominique Therrien. C'est ça, Dominique Therrien n'est pas sur la liste. Le chef du Parti conservateur doit être assez de droite, mais Éric Duhem, tu sais... C'est ça? C'est top. Vas-y avec ton guest, J'ai avec le chef du Parti conservateur. Good. Donc, B et Alex et James. Moi, ben Éric Duhem en même temps, tu sais, j'ai comme une petite rancune envers cet homme. Que, on le bâche un peu, non? Ouais, c'est ça. Fait que Éric, c'est rien comme toi, mais t'es un extrémiste. Alright. Fait que moi j'irai avec Éric. Donc Éric Duhem pour vous autres. Ouais. Donc Mathieu et Tania. Oh! Encore! Ça va pas bien d'être Alex et James! Maudit, il l'a tout quand même. Mais attends, là, c'est extrémiste selon Sam ou selon la communauté? C'est l'opinion populaire. C'est selon l'opinion populaire. OK. C'est pas juste selon moi. Ouais. Steph, vas-y pour la prochaine. Qui est l'invité le plus à gauche que nous avons eu à l'émission? A. Bernard Landry. B. Mario Beaulieu. C. Robert Aubin. D. Jean-Claude Landry. Donc, Mario Beaulieu étant donc, Mario Beaulieu étant l'ancien chef du Bloc québécois, C. Robert Aubin étant le député actuel néo-démocrate, et D. Jean-Claude Landry étant le candidat de Québec solidaire des dernières élections provinciales. Et étant l'animateur de matière d'art. Mais on commence avec Alex et James. Ah, James, je vais te laisser répondre parce que j'ai pas écouté les choix de réponse, j'ai un déficit d'attention. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais avec c'était le C, je pense. Répète-moi le C. C, c'est Robert Aubin. Oui, Robert Aubin. Parfait. Et du côté de Mathieu Tanier? Moi, j'irais avec D, le Jean-Claude Chauve. Du Québec, c'est le Jean-Claude Van Damme. Parce que Jean-Claude Van Damme. Robert Aubin, je me rappelle que... Ouais, c'est ça. Je me rappelle que Robert Aubin, il me semble qu'il y avait des trucs que c'est bien, aimait bien. Oui, je me souviens. Québec solidaire, c'est comme too much à gauche. Séparons-nous. En même temps, si on entre dans le studio présentement pour une personne qui fait face à la porte, je suis la personne la plus à gauche dans le studio. C'est vrai, c'est vrai. Dépendant de quel bord. Ça peut vous donner un indice. Mais pour moi, ça serait Mathieu présentement. Oui, c'est vrai. Bien dit, Alex. Où est le nord par rapport au studio, je sais pas. Ouais, on y va avec D, là. OK, donc pour Alex et James. C'est-tu nous qu'il va l'avoir le B? Pour Mathieu et Tania. Yeah! Hey, y a aucune question qui a été ratée par les deux à date, je suis quand même impressionné. Pas pire, hein? Notre connaissance de la politique est bonne. Ah, c'est réussi par les deux non plus. Ouais, c'est ça. effectivement. Steph, vas-y encore la prochaine. OK, combien de personnes avons-nous interviewées lors du Vox Pop sur les élections fédérales? Oh. C'est toi qui l'as fait, ça, je me rappelle. Oui, c'est moi qui l'ai fait, en sortant de la chasse-galerie. Oui! Est-ce qu'on parle de gens que tu as interviewés ou de gens qui ont été choisis pour être diffusés dans le montage? Ils ont toutes été diffusés. Oh. J'ai censuré personne. Okay. A, 49. B, 37. C, 62. Et D, 56. On commence avec Mathieu Bitania. Aïe, les choix sont durs à retenir. Attends, c'était à la sortie de la chasse. Oui. Il était quelle heure exactement? Non, c'est à l'entrée de la chasse. On voulait prendre les gens avant qu'ils soient sous. À quelle heure? 9-10 heures? C'était vers 9 et 10. Ouais, c'est ça. Pas mal, c'est une pause. C'était pendant l'émission à Alex. À 9 et 10. Ah, j'irais avec 34, moi. 34. C'était quoi le choix le plus proche de ça? 37. Ça se tient, ça? 37. 9-10 heures, pas grand monde à la chasse. Parfait. Et pour Alex et James? Ouais, mais dans le fond, Sam, juste un petit commentaire. Quand tu dis on les a pris comme quand ils rentraient à la chasse pour pas qu'ils soient sous, dans le fond, ce que tu sais pas, c'est peut-être les personnes qui rentraient à la chasse parce qu'ils ressortaient des toilettes après t'allais vomir parce qu'ils étaient sous. Je sais pas, en tout cas. Mais c'était quoi l'autre choix qui était plus proche de 37? C'était 37, après ça, c'est 49. Ok, 49, c'est quand même. Donc 49, 37, 62, 56. Je me rappelle, j'étais là, tu sais, c'était pendant mon émission, puis il me semble que c'était dans 30, proche de 40. Fait que d'après moi, on devrait y aller avec 37 si James, je crois. T'as dit oublié. De toute manière, on va soit l'avoir les deux mâles, soit les deux bons. Ouais, donc, on va avoir au moins une fois. Ouais. Mais je pense qu'on a oublié de mentionner le fait que c'était un mardi karaoké. Ouais. Ouais, oui, mais il était 9h. Il était 9h, j'avoue. Et 10, ça a été difficile de faire un montage avec 62 personnes. Là, ça a pris l'émission complète. Je pense qu'on se rejoint. Ouais, je pense que là-dessus, on n'est pas prêts. Alors, Steph, la bonne réponse est... La bonne réponse est 49! Vous avez passé un montage de 49 personnes? Oui. Oui. Wow. Mais on s'entend que les réponses n'étaient pas très développées. Ouais, ouais, non, je me souviens de certaines réponses. sauf Zwicky, qu'on salue, qui nous a donné une réponse extrêmement longue et pertinente. Oui. C'était celle qui savait le sujet. C'est ça. Ouais. OK. Prochaine question, la question numéro 7. Combien de cover metal est-ce que j'ai fait jouer en début d'émission? Oh, en début d'émission, il n'y a pas à chaque semaine, il n'y a pas. Donc, Alex et James, allez-y. Mais t'as pas le choix de réponse. Donc, A, c'est 1, B, c'est 6, C, 3, D, 10. C'est dans le 2 ans, en passant. J'irai avec le chiffre du diable. Donc, B6. Oui, on y va avec ça. C'est bon. Vous autres? On va redemander les choix de réponse. Oui, les choix de réponse. Donc, soit 1, 6, 3 ou 10. Okay. Sur 2 ans. Oui, c'est sûr que c'est pas 1, là, clairement. Non. 10, ça me semble beaucoup. Ouais. Mais sur 2 ans, il y a beaucoup d'émissions. Il a peut-être fait, mettons, qu'il fait à peu près, peut-être, je sais pas, une trentaine d'émissions par année, parce qu'il a pas fait l'été, sauf cette année. 10, ça fait 5 à chaque année. 5 par année, 10. Ouais, 10. Ouais, 10, on y va pour 10. Parfait. Donc, pour Alex et James. Pour Mathieu et Tania. C'est pas 1, toujours. C'est pas 3. C'est 3. Ah, ouais. Ah. Ouais, j'ai fait jouer Grease, Death Metal, Ghostbuster, Metal... Et Adèle, oui. Metal. Ah, oh, Adèle, c'est genre le deux. Bonne, hein. Ouais. Ouais. Et j'ai. Il y a un que j'ai enlevé, c'est le speech de Shia LaBeouf. Ouais. Metal, mais c'est pas une chanson. C'est pas un cover. Ouais. C'est juste un riff de guitare qui était rajouté par-dessus le speech de motivation. Donc, t'as été avec la Trinité au lieu du chef du diable. Oh. C'est quand même impressionnant. Oh! Oh! Ouais. Hey, donc, première fois que je donne des points à personne. C'est vrai. Ça va bien. La prochaine devrait être bénéfique pour Mathieu. Ah, OK. Dans le Mathieu Plante Show, combien de jeux de Sega Genesis ai-je mentionné dans mes chroniques? Est-ce que tu as réécouté toutes tes chroniques pour les références de Sonic et tout ça? Donc, A, 10, B, 4, C, 16 ou D, 7. Là, c'était au tour de Mathieu et Tania de répondre en premier. Et je serais tentée par le 16 parce que Dieu sait à quel point il en parle beaucoup. Oui, il en parle beaucoup, mais peut-être pas assez pour que ça aille jusqu'à 16. Comme Mathieu a dit, j'ai souvent parlé de Sonic. Oui. C'est ça, c'est vrai. Et ça compte juste pour une fois. Ça compte juste pour. C'est ça. S'il y a des jeux que j'ai mentionnés plus qu'une fois, ça compte juste pour un. Attends, combien de jeux tu Sonic au total? Sonic 1, Sonic 2, plus Sonic que 3. Sonic and Knuckles. Il y en a 4. Ouais, non. Je donne un indice, là. C'est pas déjà les choix de réponse? Ouais. 10, 4, 16 ou 7? On y va avec genre quelque chose entre les deux. Mettons 7. 7. Parfait pour Alex et James. Ben, si tu disais que Sam était équilibré, est-ce qu'on y va avec une réponse haute ou. Ouais, on va aller avec une autre réponse. Moi, j'irai avec 16, c'était ça que t'avais dit? Ah, ben, tu sais, je veux dire. 10, 4, 16 et 7. Il a fait combien de chroniques? 4 x 4, 16. Ouais, c'est ça. aussi, 3 plus 13, 16. 32 divisé par 2. 12 plus 4. 1 plus 6, ça fait 7, c'est chanceux. On pourrait y aller. Bon. On va y aller avec 16 pour le fun, parce que Sam, il parle tout le temps de jeu. Tout le temps. Avec, tout le temps. Alors, pour Mathieu et Tania, vous aviez 17. Pour Alex et James, vous aviez dit 16. C'est 10. Tu sais, c'est un chiffre rond, ça avait pas l'air vrai. Ouais, mais c'est pour ça que j'y ai pas été pour le 10. Le 10 a jamais l'air vrai. Ben non, c'est ça. Ouais. Mais c'est l'imposteur. C'est quoi la définition d'un chiffre rond? Ouais, c'est ça. 25, si tu ronds. Ouais, si tu peux compter des. Est-ce que c'est la meilleure. Est-ce que c'est des chiffres qui sont pas des chiffres à virgule, genre? Vu que Steph veut rire, je vais y laisser dire la première. La prochaine. Hormis ce matin, dans quelles circonstances est-ce que le célibat de l'animateur a été le plus mentionné? Je le sais bien. Ce matin. A, les chroniques à Steph. B, ma chronique, ben la chronique à Samuel dans l'émission Matière Noire. C, à nos spéciales Saint-Valentin. D, à aucun moment on mentionne mon célibat. Ça va arriver. Clairement le D pas est une D. Joke, hein? c'est le D, c'est ça qu'on disait. On l'a dit tantôt. Donc, Alex et James, votre réponse. Ben dans le fond, moi personnellement, à chaque fois que je présente la chronique à Sam à Matière Noire, je mets une musique sensuelle de guitare et piano, puis je mentionne tout toutes les qualités à Sam, là, pis ça, ben, ça prend genre, en gros, 30 secondes. Pis, merci! Mais non. Non, j'y lance des fleurs, puis après ça, j'invite les demoiselles à passer en studio et tout. Donc, à chaque semaine, c'est un immanquable. Donc, je pense que j'ai la palme pour ça. Là. Je veux dire, je le mentionne tout le temps. Je ne fais que ça. Matière noire devrait s'appeler genre Match-moi, Sam. Je vais y aller avec mon émission pour ça. Là. Est-ce qu'on suit dans la. Ouais, j'ai comme le goût de faire ça parce qu'il est tard. Fait que tu peux plus dire des niaiseries que ce que Steph. Se permet parce que visiblement on peut dire des conneries pareil le matin. C'est ouais, c'est vrai, on a pu voir. Ça prend juste Alex. Oui, c'est ça. Moi, j'éliminerais. Ça a plus rapport avec moi qu'avec l'heure, je pense, finalement. C'est vrai. J'ai des souvenirs d'émissions de Saint-Valentin, on en a mentionné beaucoup, mais il y en oui, a juste vraiment deux. Oui, mais c'est vrai, c'est ça. Il y en a deux, là, en deux ans. En deux ans. Donc, c'est sûr que c'est soit les chroniques à Steph, les chroniques à Sam. Je pense que Sam est assez. Il va pas mettre lui-même sur la table ouais. Son célibat, je penserais pas. Un peu, mais pas trop. Ça serait du masochisme. Fait qu'on a le choix entre Steph ou l'émission d'Alex. Moi, je veux pour Alex. Alex aussi. Hein. Ouais. Donc, la bonne réponse pour les deux. Ouais! Elle le savait. Elle connaissait mon émission. C'est que vu que Steph est des fois plus occupé à nous parler de trucs de végétarien, mais ça fait en sorte que des fois, on élimine le sujet. Oh! Persécution! Shots fired! Tu pourrais le traiter de légumes, toi. Ça serait quand même légal, là. Ouais, c'est vrai. Ben, ça y ferait plaisir à la fin parce qu'elle mangerait, en tout cas. Ouais, ben, de toute façon, dans son cas, on s'entend que ça serait un légume congelé parce que ça fait longtemps que. Ça fait longtemps qu'on t'a pas réchauffé, hein. Cheap! Oh, oh my god! Hey, hein? Je pensais que nous, on était chiens dans notre émission, finalement, on ne fait pas. En plus, t'as des abdos durs. Fait que les congés, c'est bon. Ouais, ça se foule des doigts, ces abdos à Sam, ça là. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire une blague vraiment déplacée, Steph, avec toi, mais je vais me retenir. Ça Bring it! Oh, ouais. Tu commences pas cette phrase-là sans la finir. Ouais, c'est comme donner une bouchée de chocolat d'attitude. Mais ouais. Sam, il se retient depuis longtemps, là, c'est ça? Ouais. Steph, peux-tu utiliser comme micro-ondes? T'es chaude de. Ok, c'est bon. On va comprendre ce qu'on veut en comprendre. C'est ça. L'image est maintenant dans ma tête. J'adore la face à Steph en ce moment. Je suis traumatisée un brin. Bon, next question. Justement, la prochaine va un peu amplifier le mal. Pour toi, Sam, les carottes sont cuites. Hein? Qu'est-ce que j'ai déjà offert à Steph en direct pendant une des émissions? Je me rappelle. A, un CD de musique. B, un numéro de téléphone d'un gars qu'elle trouvait beau. C, un câlin. Ou D, une rose. On y va avec Mathieu et Tania. D. C'est une rose. Parfait pour Alex et James. Je sais que c'est une rose, c'est ça, je m'en rappelle. Ça ne partagera pas le score, ça. Non, elle était quand même facile, celle-là. Hein? Je vois que vous avez bonne mémoire sur les choses. Est-ce que tu voudrais commenter l'événement? Est-ce qu'on a une heure et demie? Une rose dans le micro-ondes, c'est pas vrai. Non, mais Steph, ça a rajouté un peu de piquant à notre relation. Non, c'est vrai. Ah, j'ai Hey, on se surpasse ce matin. Steph, vas-y pour la prochaine. Oui, les couteaux volent bas. Ouais, quand même, hein. Mais en tout cas, t'as le droit. Pour les fois, je t'en ai envoyé. Qu'est-ce que Jean-Seb a eu comme problème lors de la première session? A. Un problème de ponctualité. B. Des rhumes à répétition. C. Il parlait trop loin du micro. D. Il perdait souvent son planning de l'émission. Alors, Alex et James! Sa blonde est tombée enceinte. Non, ça s'est arrivé plus tard! Moi, j'ai l'impression qu'il parlait trop loin du micro. Il me semble que c'est son genre à être comme... Il est pas assez long pour mimer, genre. Il doit le micro, là. Il me semble que c'était son genre. Soit ça, il perdait le planning, je sais pas, mais. Branchez-vous. Je vais y aller avec. En tout cas, moi, j'irai avec ça. J'ai pas entendu souvent, mais il me semble que. Loin du micro. Il me semble dans ma tête, en contraste avec Sam qui parle comme si il y avait un mégaphone. Moi, ma tiens, il faut toujours que je baisse son son. Puis ben oui, c'est clair. Puis des fois, il ferme complètement pendant que je parle. Ouais, c'est ça, quand je tanne. Il est fou. Ouais, sympathique. Ça donne envie d'en revenir à chaque semaine. J'ouvre pas le micro. Puis je fais à croire qu'il est ouvert. Il y a des petits gags comme ça. Ouais, puis là, je m'entends pas, puis là, je panique. C'est quoi les autres choix qui restaient? À part que vous choisissez C. Bah, ben, je sais pas, James. Trop loin, ouais, C en probabilité aussi. OK, parfait. A, un problème de ponctualité. B, des rhumes à répétition. Parlait trop loin du micro. C, D, il perdait souvent son planning l'émission. Quelqu'un en début d'émission se demandait si elle allait être là par téléphone. C'était Jean Seb, ça? Oui. Et on se demande chaque semaine s'il va être là parce que c'est lui qui fait sa carrière pendant sa pause. Hein. C'est ça, sa job. Mais là, il est en congé de paternité. J'irai donc, avec les problèmes de ponctualité. Ouais. Ah, c'est méchant, ça, pour lui. Non, mais je sais pas. Là, moi, j'y vais avec ce que j'ai entendu. Je peux pas écouter l'émission à chaque semaine. Nous, on se fie. Moi, ça fait même pas un an complet que je suis ici. Ça. Moi, j'ai des collègues qui veulent pas t'écouter. Alors, pour Alex et James, voyons. Et en passant, Jean-Seb arrivait tout à 1h30 d'avance pour les émissions. Les problèmes de ponctualité, c'est moi. Allô? Steph arrive sous vraiment flush. C'est quoi la vraie réponse? Il y a eu 8 rhumes pendant la session. Aïe, aïe. Vacciner là quelqu'un. Ouais. Donc on entendait toujours clairement Jean-Seb se moucher pendant les émissions. Chic. Ou Matt c'est bon. Tousser ces temps-ci. Moi, je tousse, c'est ça. Mais j'éteins mon micro. Deux amateurs de Kleenex dans ce temps-là. Merci. Oh! Je devrais être fan Facebook des Kleenex. C'est fantastique. Est-ce que c'est un gag par rapport à Sam? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme les catchés, eux, l'ont pas catché. Deux amateurs de Kleenex. Ah, fais pas le signe, franchement. Steph, je te pensais plus classe que ça, en fait. Je te laisse pas plus mal. Sérieusement? Non, c'est pas vrai, je te pensais pas classe. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça beau de voir ça. Est-ce qu'on parle dans cette émission-là, moi, avoir su que ça allait virer là-dessus? Steph, vas-y pour la prochaine question. OK, attends, je suis mêlée. Bon, OK, dans le top 20 des meilleures chansons pour faire l'amour présentées dans le spécial Saint-Valentin, laquelle ne fait pas partie du top 20? A. Mamma Mia de ABBA. B. I Will Always Love You de Whitney Houston. C. Wicked Game de Chris Isaak. D. Imperial March de Star Wars. Donc, Mathieu et Tania? C'est son j'irais genre avec... de Star Wars. Hein, ouais, j'irais avec A. Ouais, moi aussi. Ouais. Ah. Parce que Star Wars, c'est clair qu'il y a des amateurs de Star Wars qui... Ça fait un bon beat. Là-dessus. Ouais, c'est pam, pam. Oui, merci. Donc, Donc, vous dites que c'est Mamma Mia de ABBA qui n'était pas dans le top 20? Ouais, parce que... Ouais. C'est trop, comédie musicale Mamma pour... Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça, je trouve pas que c'est bon. Et pour Alex et James? Ben, moi, personnellement, à chaque fois que je me déshabille, je fais jouer la marche impériale. Mais, outre ça, parce que Sam, à Matière Noire, cette semaine, m'a demandé « Hey, Alex, peux-tu me donner une bonne toune pour faire l'amour? » J'ai comme « Qu'est-ce qui se passe, Sam? » Quand tu fais l'amour, ouais, c'est ça. Quand tu fais l'amour! Comme c'est moi qui avais sorti la toune Wicked Game de Chris Isaak, je pense parce qu'il manquait un choix de réponse à combler qui était pas la bonne réponse. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Je pense que c'est un peu arrangé, je trouve, cette question-là. Ouais. Moi, je te donnerais un point quand même. En tout cas. Un point pour l'effort de ceux qui savaient pas. Donc, pour Mathieu et Tania, pour Alex et James. Hey, il y a du monde qui couche sur Mamma Mia? Oui, sûrement. Mais en tout cas, okay, si. Oui, comme elle, elle était même bien placée dans le top 20. Mais ouais. Si jamais vous avez jamais écouté Wicked Game de Chris Isaak, allez écouter ça, puis dites-moi pas qu'on peut pas. On peut pas. Ouais, Sam, je l'ai déjà Sam, entendu. Crime Sam. Je pense que je l'ai dans mon cellulaire. Travaille là-dessus, va chercher un extrait. Là, il manque de main déjà pour son quiz, pour Samuel. C'est, j'ai de la misère encore à appuyer sur tout comme du monde. En espérant que tu manques pas de main le soir en arrivant chez vous. Et de Kleenex. Et de Kleenex. Come on! Persécution. Mais ça marche des deux bords, cette persécution. Ouais, Sam, ouais, je te laisse le temps au pire. Elle pas à m'appeler prends ça smooth, mais quand tu l'auras, il faut que vous écoutiez ça, parce que je veux dire, c'est la meilleure. Tu peux juste écrire Chris, c'est le premier choix qui t'apparaît dans le sérieux? C'est incroyable. Donc, OK, on va juste, faire pause sur le quiz. Attention, j'ai écouté ça. Je reconnais. Venez me faire croire, ça va, c'est pas dans le top 20. Ça. D'hier soir. Hey, attention, là! Ben là, habillez-vous, tout le monde! Hey, lui, il anime une émission de métal, hein! Ouais. Palette musicale. Ouais, Alex fait un petit peu trop de trucs weird pour un gars qui fait jouer du métal progressif le mardi soir. Ça, l'over qui se donne un style, ça. Il fait semblant d'être métal pour plaire. Mais c'est clair qu'il met ça le soir pour cruiser. Ben oui. Ben en fait, oui. en fait. Tu rentres dans son auto, c'est ça que tu joues. Ouais. puis j'ai un faux shaggy. Je suis pas la personne qui a le poil de chest le plus fourni là, bon, donc il est pas mal absent. Fait que je me suis j'ai rasé un inconnu une fois. Puis maintenant je m'en sers comme ça. J'ai rasé un inconnu une fois. Au chalet. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en sers vrai. Maintenant comme ouais. Bon, c'est beau. On va reprendre avec la chanson du quiz. OK, la prochaine. Ça fait contraste pas mal. Ouais, ouais. Ouais, donc l'avant-dernière question. Il va respirer en chance de vous rattraper là. Oh, t'es en retard, derrière. Clairement en avant. Ouais, vous êtes derrière, mais pas beaucoup. OK. Donc je dis c'est la prochaine vaut deux points, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yeah, c'est ça. Donc, combien de chroniques astrophysiques avons-nous eu avec notre chroniqueur Eric Allen? A11, B16, C9, D6. Quelqu'un qui était à l'écoute la semaine passée, on a dit la réponse deux fois pendant la chronique. En deux. Donc, Alex et James, quelle est la bonne réponse? Ça, l'astrophysique. Là? Oui, je le sais, mais je dors toujours pendant l'émission à 100. Pas parce que pas la reprise. Là, parce que true story. Parce qu'à 3h du matin, t'es levé. Ouais, c'est ça. Puis il texte Sam. Ouais, à 4h du matin. Je suis Texam. C'est ça. Fait que c'est difficile pour moi, mais il me semble que Eric, il est venu souvent, mais à ce point-là. En tout cas, je le sais. Vas-y, mettons, la plus basse, 6. Moi, j'aurais mis 6, mais je suis pas certain. Donc, on peut pas dire la même réponse, sinon on va pas le dépasser. Ouais. Donc, 6 pour vous autres. Ouais. Répète les choix, s'il te plaît. 11, 16, 9 ou 6? J'irais 9. 9, moi aussi, j'aurais dit 9, mais avant de dire la réponse, moi, je trouve que ton émission manque de titre Q pour tes chroniqueurs. T'sais? Fait que clairement, sa chronique aurait dû s'appeler la clé Allen. La clé Allen. La Allen Q. Là, il est trop tard. Wow. Trop tard. L'outil le plus détesté au monde. Donc 9. 9. Ouais, 9. OK, parfait. Donc, pour Alex et James. Pour Mathieu et Tania. La réponse était 11. Oh, j'y avais pensé. Ben oui, c'était parmi les 4 choix, j'espère. Ben, tu y as pensé. Il nous a visité quand même relativement souvent en 2 ans. Bon. Steph, je te laisse la dernière. Quel groupe Steph a-t-elle découvert grâce aux choix musicaux de l'animateur? Non, j'ai oublié de mettre la bonne réponse, je vais la dire. Non, mais en tout cas, bref. Ouais, mais tu devrais le savoir. Ouais. Ah, Vandenplace. Je sais pas si je l'ai dit comme du monde. Oui, c'est ça. Ça doit pas être celle-là. Hein. B, Dream Theater. C, Threshold. D, Adele. Mathieu et Tania. Je serais tentée par Adele. B a l'air vrai, je trouve. Ouais. Dream Theater. Ouais. Dream Theater. Pour Alex et James. Dream Theater, ce groupe préféré à Sam, il en parle continuellement quand il est pas occupé à parler de son. T'es pas devant le micro, là, on t'entend pas. Son célibat. Ouais, ça, Sam, il parle continuellement de Dream Theater, mais en même temps, je sais pas si c'est nécessairement ce groupe-là qu'elle a découvert ou. Moi, pour faire différent, j'irais avec Threshold, ouais. Parce que je trouve le nom est drôle à dire. Donc, James, t'embarques. Ben oui, on embarque. J'ai aucune idée de ce que Steph connaît en groupe musical. Hein. Puis comme elle a hésité avec Vandenplace, puis qu'elle connaissait sûrement déjà Adele, ben. C'est très métal, Adele, faut dire. Ouais, c'est métal au bout. Quand moi j'en fais jouer, oui. Oui. Donc, pour Mathieu et Tania. Oh. Pour Alex et James. Oh yeah! Ouais. Threshold. Donc, Steph a découvert Threshold parce que c'est la chanson thème que j'ai décidé de donner à ses podcasts avec la super phrase We Can Fight Against Corruption. Elle a adoré ça. Ouais, et Dream Theater, c'est la chanson thème depuis 2 ans. De l'émission? De l'émission. Ah ben. Donc, c'est ça. Et Steph connaissait déjà le groupe. Ouais. Donc, c'est on dit jamais les thèmes. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc, 7 points du côté d'Alex et James et 4 du côté de Mathieu et Tania. C'était proche tantôt, il me semblait que c'était super. Mais il restait 2 questions, puis c'est 6-4. Ouais. Donc, si vous aviez les 2 dernières, ça tombait 6-6. Est-ce que tu avais prévu un bonus? J'aurais trouvé une. Okay. J'aurais trouvé de quoi? Ou j'aurais dit la dernière question vaut 2 points. Ça reste ça. Tu penses à tout? Je pense à tout! Fait qu'on gagne quoi, là? Des Oreos à la canne de bonbons. Oui! Faites attention, yeah. Je le goûte encore. C'est pas des farces. Même si j'ai bu un chocolat chaud et de l'eau après. Non, mais. Ils ont l'air vraiment joué de les manger. Ouais. Oh! Il y a de quoi qui me turn off à l'odeur. Il y a des gars qui. Ah non, vas-y, mets-le dans ta bouche. Si c'était un condom à canne de bonbons, t'aimerais et ça. Et on remercie, hein? On remercie Banjo Kazooie pour le merveilleux thème pour oui, ce quiz. Merci, ils sont en studio avec nous. Waouh! Ils savent juste applaudir, par contre. Donc, c'est ça. Donc, c'est la vraie chanson du quiz dans Banjo-Kazooie qui est le moment le plus épique du jeu, selon moi. Oui, c'est pas c'est la fin de la sorcière. Exactement. Ça, c'est parfait comme bout. Donc, j'ai vraiment pris la chanson du quiz pour le quiz de ce matin. Un gars de trip, tu parles à peu près ses jeux vidéo. N64 and chill. Et voilà. Wow. C'est une invitation. Demoiselle. Alex, j'ai vraiment pas sûr pour le biscuit. La cape de bonbon, hein, non? Mmh, ouais. Il a juste comme donné une lichée ou. Ouais, c'est quand même petit. Tellement fermé d'esprit. Pantadette. Cam de bonbons. Hey, merci à tous nos participants. C'était vraiment super. J'ai vraiment aimé ça. Et là-dessus, on fait une courte pause. C'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur c'est fou.ca. C'est fou. C'est fou. Vous écoutez Génie en liberté. 569,81 en 2003 pour un déjeuner. 569, c'est quoi, il y avait une danse avec ça? Je comprends pas. Là. Sur les ondes de C'est fou 89.1. Hey, vous êtes de retour avec la grande famille de Génial Liberté ce matin. Oui. Alors, moi-même, Samuel Girard, Stéphanie Rompé-Lanouette, James Demons et l'animateur de Matière Noire, Alexandre Marchand. Allô. Allô. Et à ça, on va rajouter le premier co-animateur de Génial Liberté. Salut Jean-Seb. Hello. Ça va? Ben oui, vous autres. Ben, oui. Super. Accompagné de ton petit ce matin. Ah oui, là, je suis en train de le faire voir, fait que ça se trouve, vous attendiez des petits sorts, des petits cris, là, mais... C'est drôle, parce ça que... Ça va bien quand même. C'est vraiment drôle, parce que t'as exactement la voix de la personne qui commente les sports, mettons, tu sais, quand il appelle pour le gars de la ligue de hockey junior majeur, là, pis là, c'est comme genre, ouais, fait qu'on voit le score des cataractes, pis il y a exactement ta voix au téléphone, c'est génial. J'adore ça, que c'est tout ce que je voulais dire. Hey, Jean-Seb, je voulais juste qu'on se remémore quelques bons petits souvenirs. Donc, c'est l'émission d'adieu ce matin de Génie en Liberté. Et puisque t'as été tant présent pour l'équipe, je voulais savoir un petit peu, toi, c'est quoi les bons souvenirs que tu gardes de l'année que t'as faite avec nous? Ben, il y a plusieurs choses. Je pense que, vraiment, nos débuts, c'était quand même assez drôle et archaïque. Je pense que... C'était rocambolesque. On peut pas le nier. Mais ça fait des bons bloopers toute la première année. À peine! Là, on a reçu, on a reçu tellement d'invités incroyables, là, des personnes intéressantes. J'ai pu apprendre tellement de choses quand je co-animais avec toi. Oui, ça a été juste la première session, ça a été environ une trentaine d'invités. Exactement, non, c'était... Un après l'autre, c'était vraiment le fun. Là. C'est bien. On t'a un peu taquiné pendant le quiz qu'on a fait avant la pause. Là. La question, c'était quoi le... C'était quel problème qu'il y avait pendant la session? Ah, c'est ça. Et la réponse était tes rhumes à répétition. On a convenu que vous étiez deux amateurs de Kleenex. Fallait que tu ramènes ça. J'ai pas mal moins de rhume, fait que... D'abord, c'était l'université qui me faisait faire ça, là, mais... Ah, ouais, c'était le stress, la fatigue, on est vulnérable. Aïe, aïe, aïe. Écoute, Jean-Seb, c'est ça, je voulais juste au moins que tu nous parles un peu ce matin. On n'a pas grand temps pour continuer ça, mais écoute, on voulait juste au moins entendre un peu ta voix ce matin. Ta voix qui nous suit au début de chaque émission depuis 2 ans, vu que c'est toi qui as enregistré l'introduction avec le thème... Toujours là, mais je suis là de son au moins. Ben, c'est parfait, c'est excellent. Écoute, regarde, on te laisse avec ton petit. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est short and sweet, mais je voulais juste au moins que ta contribution soit là pour cette émission finale. Ah, ben, génial. Puis si on a la chance de recontribuer dans le futur, on va le faire. Et sinon, ben, on va être dû pour une petite game du Canadien avec une bonne bière bientôt. Exactement. Hey, c'est good. Merci, Jean-Seb. Bye tout le monde. Bye. Alors voilà, et je voulais juste qu'on accroche un petit peu Jean-Seb au passage comme ça. C'était super. Oui. Juste un petit coucou. Entendre la voix. de l'animateur qui annonce. C'est ça. Oui, il devait être en studio. Ta première flamme. Donc, c'est ça. Donc, ça, il devait être en studio. Malheureusement, il devait s'occuper du petit. Donc, c'est ça. Fait que je dis, au moins, appelle-nous. Donc, c'est ça. Écoute, il reste pas plus qu'un 6-7 minutes à l'émission. Ouais, on finit tôt aujourd'hui. Ah ouais? Oui, je vais finir ça en beauté, musicalement en beauté. Bon, parfait. Donc, ça me prenait un bon 7 minutes. Un bon 7 minutes. C'est ça que je dis, il nous reste un 7-8 minutes. 7 minutes de nostalgie. Ouais, ben c'est ça. En fait, si vous voulez rire un peu, un des extraits qui a été le plus partagé, c'est quand que Steph m'a fait un message pour un site de rencontre. Oui, c'est ça. Ouais. C'était mémorable. Donc, il y a la partie où je t'ai donné une rose. Oui, c'est ça. Et jumelé à l'extrait de quand tu me fais un message pour le site de rencontre, il y a aussi la fois où on parle de ton alcoolisme. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'était très drôle. Ouais, d'ailleurs, cette émission-là, c'était un prétexte, c'est une intervention. Donc, c'est pour empêcher Stéphanie d'aller au bar. Le mercredi soir. C'est ça. Donc, Steph, en tout cas, ben... Pas juste le mercredi. J'ai fait du pot. On tient à toi. Mais là, je travaille. Fait que j'ai changé. Ah, OK. Fonce, t'as changé. J'ai changé. Wow. OK. C'était quoi ça? Il est sérieux. OK, c'est bien. Tout va très bien, hein? Toujours. Il n'y en a pas de problème. Tu me laisses-tu faire mon petit texte émotif? Vas-y. Ben, je voulais qu'on prenne le temps pour ça. Fait que vas-y tout de suite. De toute façon, Sam, il y a toujours ses mouchoirs. Oui, c'est ça. toujours équipé en Kleenex. Donc, j'ai décidé de faire un petit hommage à Sam parce que je l'aime. C'est mon ami. Puis que, bon, des fois, il fait pitié parce qu'il est enfermé dans le friend zone. Mais on l'aime comme ça. Puis on aime ça l'écœurer pour ça. On veut, finalement, le monde, il l'aime comme ça. Puis ils veulent le garder là-dedans. On va parler de quoi? Sinon. Ils ont caché la clé volontairement. Ils l'ont fait manger au chat. Fait que j'ai commencé par écrire un acrostiche avec ton nom. Ah, j'adore Samuel. Les acrostiches. Fait que j'ai marqué « Splendide animateur de morning show, unique, enflammé et lapresse. parce que je rappelle... Tu me connais peut-être un peu trop ouais, bien. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ça, parce que je pouvais pas m'empêcher de parler de lapresse, ton Pokémon préféré. Exact. C'est drôle, hein? Tellement un être gentil, la presse, le Pokémon cute. Celui qui crie son cri vient chercher directement au cœur. Donc, comme toi, Sam. Oh! Fait que je vois... Ça, c'est quand tu n'utilises pas Parish Song. Puis tout le monde meurt c'est après ça. Trois tours. Fait que je vais continuer avec mon petit texte que j'ai écrit. C'est vraiment inquiétant. Puis ça fait de poter avec notre début d'émission humoristique, mais quand même. Donc... Au plus formidable des animateurs de radio, félicitations. Félicitations pour avoir créé et mené l'Odyssée formidable que fut Génie en liberté. Pour te permettre d'améliorer certaines de tes qualités d'orateur, qui sont, ma foi, assez extraordinaires, tu as donné naissance à une émission de contenu, d'opinion, qui a donné une plateforme à plusieurs pour partager le fruit de leurs efforts et qui permet aussi au public de s'informer sur des sujets variés, tels que les totons ce matin, Alex. Yay! Malgré quelques invités difficiles, malgré des annulations de dernière minute, malgré des co-animateurs, co-animatrices malades, malgré quelques passages controversés, tu as toujours été imaginatif et tu as livré à chaque semaine de l'information assaisonnée de pétages de coche et de ton rire contagieux, tout sauf ennuyant. Ton aisance naturelle au micro, ton travail acharné pour construire des émissions de qualité et tes inébranlables opinions ont fait de toi un animateur notoire qui est maintenant invité dans une multitude d'émissions. Merci de m'avoir permis de partager l'antenne avec toi. Merci de m'avoir tordu le bras pour venir à ton émission. Merci de m'avoir informé sur tous ces beaux sujets. Merci pour nos échanges musclés. En somme, merci de m'avoir donné la piqûre. Bonne chance dans tous tes projets futurs. C'est donc bien cute. Tous en cœur. Hey, t'as vu, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hey, on a fait pisser. C'est party. Salut Marc-André. Un auditeur régulier qui vient voir un petit peu comment ça se passe en direct au lieu de nous écouter de chez lui. Puis c'est... c'est drôle parce que... Tu nous entends pareil, tu manques rien. C'est drôle parce que Steph, au départ, elle a dit comme au meilleur animateur comme, de radio. Puis là, je comme fait hein, mais c'était sur Sam le texte. Genre, j'ai comme hein? Je comprends pas pourquoi ça a switché comme ça. Mais c'est pas grave, c'est correct, Steph. Tout le monde a droit à l'erreur. En studio, le meilleur joueur d'impro, la personne la plus à gauche et le meilleur animateur de radio. Chacun son titre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, Sam, je te le laisse, c'est correct. T'es beaucoup plus. Pertinent que moi. Laisse-moi mon petit moment de bonheur, là, c'est mon adieu ce matin. Ouais, c'est vrai. Non, mais écoute, moi, de mon côté, la seule chose que je peux faire, c'est de remercier, premièrement, Steph. T'es formidable. Sérieux, je t'adore. Ah, moi aussi. C'est réciproque. Ça, ça aurait... Non, mais sérieusement, là, ça... la dernière année aurait pas été pareille si t'avais pas été là. Ah, c'est gentil. Ouais. C'était de toute beauté. Ah. C'est ça. Merci beaucoup à Jean-Seb aussi à qui on a parlé. Donc, lui qui a accepté de plonger dans le vide avec moi. Donc, haut de nos deux pommes d'expérience en animation. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à James aussi. Donc, oui. Toi qui as dépanné pour 3 émissions. Qui a fait de merveilleuses chroniques avec qui je pouvais jaser de plein de sujets. Ben oui, c'est ça, hein, dans le domaine des sciences. Ben hein, c'est ça. Hein, ça se passe pas juste en ondes, ça se passe aussi en dehors des ondes. Ben oui, c'est en ça. Dehors. Hein, puis là, j'ai déjà hâte après fête qu'on puisse rééchanger les points. Ouais, c'est ça. Recroiser le fer. Tous les. Oh, Je suis en train de parler de karaté, là, ok? Ben merci à toi, Sam. Ça fait plaisir. Donc ça, si on a la chance de recollaborer, ça va être juste parfait. Donc c'est ça. Merci à Alex aussi, toujours m'accueillir dans l'émission Matière Noire. Ouais, ouais, ouais. Merci, toujours le bienvenu. Ben c'est parfait. Merci aussi pour les deux présences que t'as faites. Là, une émission complète. Dans l'écoute, t'as juste de nous faire un petit tour, parler de ta nouvelle émission. Exactement. Ça avait tout pris pour te sortir du lit. Ouais, ouais, ça prend toujours tout pour sortir du lit. Ouais, c'est ça. Merci, un gros merci aussi à Mathieu Plante. Qui m'invite à Assemblage requis avec Tania, qui m'a permis de faire des chroniques aussi dans le Mathieu Plante Show. Merci à Alain aussi, le Rockmaster, qui m'a donné une chance, en fait, avec mon émission. Donc, qui m'a confié l'émission, qui m'a confié un micro, qui m'a dit « Amuse-toi » et qui m'a donné plein de judicieux conseils pour que je m'améliore dans mes débuts de stressant et un peu étrange. Ah, c'est l'émotion. Tout va bien. Prends tes Kleenex. Attention, on va te foutre la main en te tapant sur le chest. Tout va bien. Merci aussi à nos nombreux invités. On a fait le décompte. On a atteint environ le 115-120 invités en 2 ans. Ça vous donne une idée de... Presque autant que la première génération de Pokémon. Et si jamais tu t'étais rendu à 150, t'aurais pu associer chacun de tes invités à un Pokémon. Ça aurait été une activité intéressante à faire. Bon, ben, Steph, ben, quand on va atteindre le chiffre de 150, on sait quoi faire. Ouais. Bonne idée. Voilà. On va faire une petite activité, une petite soirée, là, juste en tête à tête, nous deux, là, on va faire ça. Est-ce que t'as fait l'échelle? C'est vraiment le fun, je trouve, comme activité. T'as-tu fait l'échelle politique des différents Pokémon? Oh! Ouais, hein? C'est ça, je sais est-ce pas. Est-ce que tu pourrais placer le monde? Une répartition, ouais, en tout cas, je me demande Mewtwo, tu le mets où là-dedans? Il a de l'air assez anarchique. En tout cas. Ouais, c'est ça. Ça, ça pourrait être une très belle discussion. On va revenir là-dessus un moment donné, je suis certain. Merci pour l'idée. Au pire, on te réinvitera un moment donné pour ouais, c'est ça. Ça. Alex et les Pokémon. Jauger l'allégeance politique des Pokémon. Oh, wow. Donc, merci aux auditeurs, merci aux gens qui ont écouté, qui ont fait des commentaires. Il y a Vincent qui en a pas pu parler à matin, qui est chroniqueur aussi. On le remercie. J'aurais aimé ça, il parlait 2-3 minutes à matin. Malheureusement, il n'était pas disponible. Mais en tout cas, il nous salue. Donc, il pense à nous autres. Et lui, ça a été vraiment plaisir de collaborer avec lui. Même chose, Eric Allen. On l'a remercié la semaine dernière. Je le remercie encore. Sérieusement, c'est fantastique avoir un micro. C'est fantastique échanger avec les gens. J'adore ça. Et j'espère vraiment que le futur va me permettre de pouvoir continuer à faire ça. Surtout Steph, nous autres, on va peut-être se lancer des projets de podcast, on va vouloir continuer dans la communication comme ça. Exactement, donc si vous voulez savoir où on s'en va, allez aimer notre page Facebook, on va tout dire là. C'est ça, nous on va garder des projets, ouais. On va me réentendre à l'antenne ici, j'ai eu d'autres invitations, il y a d'autres gens avec qui je veux collaborer, donc c'est pas fini l'aventure, ça ne fait que commencer. Hein? Starté la toune de Star Academy. Là, Non, j'ai une bonne chance pour ça. Alors, le dîner de con s'en vient à 11h. Ensuite, le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante à 13h. On va avoir ensuite les palmarès du monde à 17h. Très blues, assez fou à 19h. C'est ce qu'il y a pour vous à l'antenne aujourd'hui. Et puisque je suis un grand optimiste dans la vie et que je veux vous laisser avec quelque chose de vraiment positif, eh bien, on va y aller avec la chanson qui a changé ma vie et qui a causé mon intérêt pour la musique. Non. Merci Marc avec tes commentaires random. Non, c'est la chanson, c'est High Hopes de Pink Floyd. Oh. On se lève avec la version live sur le DVD Pulse. Je vais vraiment finir avec quelque chose de positif. Merci à vous d'avoir été en studio. Merci à Marc d'être venu nous faire un petit coucou en studio. Donc, auditeur fidèle. À défaut d'avoir des demoiselles qui viennent nous rejoindre. Wow! Alors, on ferme le micro pour une dernière fois en 2015 pour Une en liberté. Et aussi pour une dernière fois avant, je le sais pas quand, pour ce qui est de mes projets futurs. Mais, on s'y est au courant. Comme je vous dis, le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Et à bientôt. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, did they still meet there by the concert? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was green, the light was bright, with friends around. Nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, by the force of some inner tide. But a higher altitude with flag unfurled, we reach the dizzy heights of that dreamed of world. Desire and ambition, there's a hunger still.